L'Enfer, livre audio gratuit, un roman de Henri Barbus, lu par Amy Lagrobis pour le compte de audiocité.net, sous licence creative.commons.